Un ticket sera à réserver pour pouvoir jouer à Super Smash Bros. Sur Switch lors de l'E3 2018. C'est l'excellent Nintendo Différence hein, sous la plume de Klaus qui nous parle de ça et qui nous explique que, en effet, pour éviter les longues files d'attente et pour permettre aux visiteurs de passer plus de temps au salon, eh ben Nintendo a tout simplement décidé de créer un système de tickets à réserver donc pour essayer le prochain Super Smash Bros. Lors donc de l'E3 2018. Ce ticket, nous dit Klaus, hein, sera donc obligatoire pour y jouer. Les joueurs devront donc réserver des créneaux à l'avance, ce qui permettra donc d'essayer le plus rapidement et sans trop attendre, hein, comparé à l'année dernière où visiblement il y a eu pas mal de petits soucis à ce niveau-là. Pas d'inquiétude, hein, nous dit Klaus, même s'il sera possible d'obtenir uniquement un ticket, il est totalement gratuit. En réservant un ticket, donc il sera possible de choisir entre les deux options suivantes. La première s'appelle For Fun, et donc c'est pour les personnes qui veulent juste s'amuser en participant à un match normal contre d'autres joueurs. Mais il y a aussi l'option For Glory, donc pour les personnes qui recherchent du challenge en participant à un match compétitif avec des éliminations. Nintendo décrit ce type de match comme un moyen de tester nos compétences et voir comment nos forces peuvent être comparées face à d'autres joueurs. Il y aura jusqu'à 3 rounds. Après quoi, un vainqueur sera déclaré. Donc attention, les personnes qui s'enregistreront pour l'E3 2018 avant le 31 mai recevront un email des organisateurs le 5 juin avec tous les détails sur comment réserver un ticket électronique pour essayer le jeu et donc avec tous les créneaux qui seront expliqués. Les visiteurs doivent s'assurer d'ajouter e3expo@e3expo.com à leur liste d'expéditeurs sécurisés afin que l'email ne se perde pas dans les dossiers indésirables. Ensuite, attention, notez bien ça sur vos tablettes, il faudra obligatoirement s'inscrire à l'avance pour essayer le jeu. Il ne sera pas possible de s'enregistrer sur le site de l'E3. Les tickets seront disponibles sous la forme de QR code qui pourront être imprimés ou sauvegardés sur un smartphone. Et là, il faut avoir envie d'y aller, là, hein, je pense. Les réservations ne seront pas acceptées pour les autres jeux sur le stand de Nintendo. Tous les autres titres jouables hein, du stand de Big N pourront être essayés avec un système de premier arrivé, premier servi, hein, une méthode à l'ancienne qui a déjà fait ses preuves. Enfin, Nintendo a annoncé que les visiteurs qui apporteront leur Switch à l'E3 et qui seront aperçus par l'équipe du Los Angeles Convention Center recevront un badge Nintendo Switch exclusif. C'est magnifique. À côté de ça, vous savez que Nintendo a annoncé des tournois spéciaux qui vont se dérouler au Japon juste après donc cette E3. Il y a le Rage 2018 Summer, hein, ce sera le 17 juin à Chiba. Le Jisedai World Hobby Fair 2018 Summer, ça ce sera du 23 au 25 juin toujours à Chiba. Le Jump Victory Carnival 2018 Tokyo, ce sera le 16 juillet toujours à Chiba. Et le Jump Victory Carnival 2018 Osaka, qui sera, je vous le donne en mille, à Osaka, et ça ce sera le 22 juillet. Fans de Nintendo qui pouvaient vous déplacer aux États-Unis, au Japon, que sais-je, eh ben vous voilà prévenus, hein, tout simplement.